Fidèle auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, bonsoir. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 4 millions de dollars américains, c'est la valeur du matériel de santé distribué ce lundi par ce mardi par le ministère de la Santé aux hôpitaux communaux déjà construits. L'organisation Nawariza, militant pour les droits des détenus, appelle à la libération des détenus ayant purgé leur peine. Dans cette édition, vous suivrez Jean-Marie Nshimirimana, président de cette association. Dans cette édition, on revient également sur les innovations qui seront apportées au projet de loi budgétaire 2023-2024, tel qu'analysé par le Conseil des ministres extraordinaire de ce lundi. Au Soudan, les affrontements continuent entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Une centaine de morts et des blessés, des bilans divergents dressés par l'ONU et des médecins soudanais. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Alphonse Koubguimal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page santé pour débuter cette édition. Le ministre de la Santé a procédé ce mardi au lancement officiel de la distribution des matériels et équipements médicaux destinés aux hôpitaux communaux qui ont déjà démarré les activités. Ces équipements sont constitués entre autres de motos, de lits et de matelas. La ministre Sylvine Zeyman explique que l'octroi de ce matériel et équipement vient répondre aux besoins de ces équipements à ces hôpitaux communaux. Elle invite les bénéficiaires de ce matériel et équipement équivalent à plus de 4 millions de dollars au bon usage. Suivez-la dans cette traduction française de Grace Wikoliman. Lors de nos descentes dans tout le pays, l'on a évoqué le manque de matériel, surtout pour les hôpitaux des communes qui ont démarré leurs activités. Nous sommes venus remettre le matériel et équipement qui seront utilisés dans ces hôpitaux communaux. Une partie de ce matériel a été achetée sur les fonds du gouvernement. Ce matériel est constitué essentiellement de laryngoscopes, d'automates de biochimie, d'appareils d'hématologie. Il y a une autre partie de son matériel qui a été octroyé par les partenaires du Burundi, surtout qui appuient dans le domaine de la santé. Il s'agit des équipements achetés par le PNUD sur les fonds dont bénéficie le Burundi de la part du Fonds mondial. Ce sont des lits et des matelas qui sont au nombre de 3756. 1 209 700 tabliers, 193 concentrateurs d'oxygène, 124 de laryngoscopes, d'automates, de biochimie ainsi que 119 motos. Il y a aussi du matériel que nous avons reçu de la part de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ce matériel a coûté plus d'un milliard de francs burundais. Et c'est essentiellement du matériel de protection. Nous demandons ceux qui vont utiliser ce matériel de bien l'utiliser pour l'intérêt de la population. Sylvie Nzeimana, ministre de la Santé et publique, page droit de l'homme, à présent l'organisation Nawariza, militant pour la défense des prisonniers préoccupés par la hausse des prix des produits de première nécessité. Cette organisation déplore la diminution de la quantité de nourriture destinée à chaque détenu jusqu'à la moitié. Jean-Marie Nshimirimana, président de cette organisation, appelle à la libération des prisonniers ayant déjà purgé leur peine et ceux des délits mineurs, une situation qui pourrait diminuer les dépenses en nourriture pour ces détenus. Suivez-le, traduit en français par Moïse Misago. Au sein de l'association Nawariza, nous avons des préoccupations, surtout pour les détenus pour lesquels la famine risque d'aggraver la situation. Nous avons peur. La quantité de la nourriture a diminué. Celui qui recevait 300 grammes, pour le moment, il reçoit la moitié. C'est déplorable. Notre organisation Nawariza, nous trouvons que le gouvernement peut s'activer, surtout le ministère de la Justice, le procureur général de la République, qu'ils exécutent les mesures de libération des prisonniers, qu'ils nous relaxent. C'est pas un ou deux, alors que la prison a 1500 détenus. Ils devraient libérer les prisonniers qu'ils ont déjà purgé leur peine. Le chef de l'État avait dit que la détention est le dernier recours, qu'il faut incarcérer les prisonniers accusés de fautes lourdes. mais ce sont les gens accusés de délits mineurs qui croupissent en prison. Ces gens devraient être relaxés. C'est vrai, les prisonniers exigent beaucoup de dépenses alors qu'ils ne produisent pas. Ainsi, nous trouvons que l'État devrait désengorger les prisons. Si c'est difficile de les nourrir, l'autre mesure, c'est de les relaxer et aller faire les travaux de développement. Ainsi, l'État devrait y tirer bénéfice. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons cette édition. Le gouvernement du Burundi appelle les techniciens du ministère des Finances et du Budget de l'État à maîtriser le logiciel budget programme. Cet appel du gouvernement ressort du Conseil des ministres extraordinaire tenu ce lundi, au cours duquel ces ministres ont analysé le projet de loi portant budget de l'État, exercice 2023-2024. Ce Conseil des ministres a émis certaines recommandations à ce point. Les détails, c'est dans cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres, lu par Prosper Naolgwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les structures dans lesquelles l'État dispose des actions ainsi que le niveau de son actionnariat doivent apparaître dans son projet de budget. Les dividendes en provenance des entités dans lesquelles l'État dispose des actions doivent être clairement budgétisés comme recettes. Les budgets des structures de l'État à gestion autonome, c'est-à-dire les dépenses et les recettes, doivent apparaître dans le budget de l'État. Tout le patrimoine dont l'État dispose doit être clairement montré car il constitue un capital. Une équipe d'experts économistes a été mise en place pour restructurer ce budget conformément à ses orientations. Parmi les grandes allocations retenues dans ce projet de budget, il y a lieu de citer les salaires et traitements et la mise en œuvre de la politique salariale, le projet de construction du chemin de fer, le programme national de subvention en engrais, la réhabilitation de la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye, l'allocation additionnelle du PBF du ministère de la Santé publique, l'entretien des troupes militaires et de police, l'achat des camions et matériels de transmission, le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes, l'appui au projet de développement de coopératives collinaires, la construction du centre de cancérologie, l'équipement de renforcement du système de la sécurité publique et de la défense nationale. Après analyse du projet de budget restructuré comme recommandé, le Conseil des ministres l'a adopté avec les recommandations et les observations suivantes. Les montants alloués à certaines lignes budgétaires qui avaient été sous-estimés ont été revus à la hausse, tandis que d'autres qui avaient été oubliés ont été créés. Il s'agit de la rémunération salariale de la Force de défense nationale du Burundi et de la Police nationale du Burundi, conformément au nouveau statut et à la politique salariale. Frais de fonctionnement du PAEJ, alimentation des prisonniers, entretien des élèves en régime d'internat pour le ministère en charge de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé publique et achat de véhicules pour certaines écoles pour le ministère de l'Éducation nationale. Réhabilitation de la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye. Construction de la clôture du port d'Onkwale. Achat de 3 camionnettes double cabine pour la RTNB. Contrepartie pour indemnisation lors de l'électrification de 42 centres dans les provinces de Kirundo et de Muyinga. Prosper Naolgwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement au Burundi. Page justice est transitionnelle à présent. La commission Vérité et Réconciliation dit attendre une loi lui conférant les compétences de la Commission nationale Terre et autres biens pour commencer le traitement des dossiers laissés par la CNTB à la fin de son mandat. Pierre Claver Andaïchali l'a dit ce mardi à Rumonge où lui présentait le bilan de réalisation de cette commission de 2018 à 2022. C'est au moment où certains parmi les participants qui se sont exprimés essentiellement des rapatriés estiment que cette commission tarde à débuter le traitement de ces dossiers. Une information que nous devons à notre correspondant en province Rumonge, Jean-Pierre Misago. Parlons pêche à présent. Des pêcheurs de la plage de Kajaga en commune Mutimbuzi sont préoccupés par des constructions envahissant cette plage. Ces pêcheurs disent également qu'ils ont des difficultés à des lieux d'accostage et demandent le respect du code de l'eau, préconisant qui prévoit 150 mètres entre le lac Tanganyika et les constructions. Le point avec Charles Makoto. Un des pêcheurs de Kajaga affirme que cette plage est en train d'être envahie par des constructions qui naissent du jour au lendemain au bord du lac Tanganyika. Ce pêcheur estime que les 150 mètres prévus par le code de l'eau pour l'espace vert ne sont pas respectés. Si vous observez bien, vous vous rendez compte que les investisseurs voudraient y exercer leurs activités. Les 150 mètres ne sont pas respectés. Vous constatez que cette plage est presque embarrée. Vous voyez que d'autres suivent le mouvement, sont aussi en train d'y construire. Vous voyez bien que ces maisons occupent la partie de 150 mètres préservée par le gouvernement. Donc, dans quelque sorte, ils nous chassent. Ils nous avaient octroyé les 150 mètres dans cette plage de Kajaga, nous sommes retrouvés envahis par les constructions qui naissent du jour au lendemain. Nous n'avions que nos yeux pour pleurer. Les pêcheurs de Kajaga déplorent par ailleurs une situation de manque de dieu ou accoster les bateaux. Nous demandons au chef de l'État de prendre cette question en main. Nous n'avons plus d'espace pour travailler. Si nous avons deux poissons, nous n'avons pas où les vendre. On n'a plus d'espace pour accoster nos bateaux de pêche. On ne peut plus les garder dans le lac. Nous souhaitons l'intervention de l'État à cette plage pour le respect du code de l'eau. À entendre encore les pêcheurs opérant à la plage de Kajaga, il s'observe déjà en ces jours une faible production des poissons. Ça a déjà causé des pertes. Ces sociétés sont fortes et notre rendement a diminué suite aux affluents et les déchets acides de ces sociétés. Nous enregistrons beaucoup de pertes. Les pêcheurs de Kajaga disent ne pas comprendre les constructions anarchiques que sur les rives du lac, les empêchant de travailler et demandent au gouvernement de les laisser la place ou accoster les bateaux. Charles Makoto, parlons agriculture en province Cibitoke. La production agricole a été bonne pour la saison culturelle A en province Cibitoke, principalement le maïs, comme l'indique le directeur provincial en charge de l'agriculture, Béatrice Nyabenda, est confiante que la saison culturelle B en cours sera aussi productive, même si les semis ont été tardifs, notamment pour le haricot. La seule difficulté évoquée est la maladie du riz qui s'est déclarée dans le domaine de l'État se trouvant dans la localité de Nyakagunda. Mais annonce-t-elle, ils attendent la réponse des spécialistes. Suivez. Dans notre province, la récolte a été bonne pour la saison A 2023. Nous avons beaucoup récolté essentiellement le maïs. Et nous pensons que pour les autres cultures vivrières, nous aurons une bonne production. En ce qui concerne la saison B 2023, jusqu'à maintenant, nous observons des champs jeunes dans notre province à cause du retard de pluie pour la saison A. En ce qui concerne les semences, jusqu'à maintenant, pour la saison C, nous avons à peu près 86 tonnes de maïs hybride de panne 53 et nous avons sensibilisé à la population qu'ils vont semer ce maïs car jusqu'à maintenant l'État a subventionné ces semences. Avant c'était pour 8250 mais jusqu'à maintenant l'État a mis le prix de 4500 par kilo pour le maïs panne 53 que nous allons cultiver pour la saison C. En ce qui concerne les fertilisants, les engrais jusqu'à maintenant ne sont pas suffisants, mais pour Cibitoke, on nous donne les engrais en provenance des autres pays et nous attendons l'arrivée de ces camions en provenance des autres pays. C'est pourquoi nous aurons peu à peu des petites quantités. Restons en province Cibitoke, les habitants du quartier, des quartiers proches du chef-lieu de la commune Rugombo manquent de courant électrique depuis environ 2 mois. Le gouverneur de cette province dit qu'ils ont déjà transmis le rapport au directeur général de la régie des eaux qui a promis de remplacer le transformateur non fonctionnel. Karim Bizoza reste confiant qu'une fois que les travaux de construction du barrage Kabousese sont achevés, cette province pourra suffisamment être alimentée en courant électrique. Suivez le traduit en français par Armel Moutore. Nous sommes au courant que le transformateur électrique n'est plus fonctionnel au niveau de la localité tout près du chef-lieu de la commune Rugombo, où il y a beaucoup de machines. Nous avons approché la direction de la régie des eaux et le directeur général nous a fait une promesse que le transformateur sera remplacé bientôt. Ceux qui ont des machines ont compris à travers les échanges qu'on a eus ensemble que nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème. Nous attendons alors la réponse de la régie des eaux. Dernièrement, même l'administrateur de la commune Rugombo est descendu à Bujumbura pour faire le rappel d'un moment à l'autre. Le problème peut donc être résolu. Nous espérons également qu'avec l'achèvement des travaux de construction du barrage de Kabou 16, il y aura une plus-value parce que notre province connaît un sérieux problème de manque d'électricité. Ce n'est d'ailleurs pas seulement notre province qui est touchée. Le courant sera acheminé à la centrale de Bujumbura qui se chargera de la distribution dans d'autres localités du pays. Nous espérons également qu'avec les travaux de construction du barrage de Ruzizi 3, il y aura d'autres changements positifs. Actualité internationale. En actualité africaine, les affrontements continuent au Soudan pour le quatrième jour de suite entre l'armée nationale dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide, puissantes milices militaires avec à la tête le général Ahmed Tee. Le bilan est incertain, 185 morts et 1800 blessés selon l'ONU et 44 morts et 1400 blessés d'après le comité central des médecins soudanais, écrit la RFI. Et des centaines de patients ont dû être évacués. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé ce mardi 18 avril les parties belligérantes au Soudan à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Au Bénin, le président Patrice Talon a remercié son gouvernement ce lundi 17 avril. Il s'est séparé du ministre des Gardes des Sceaux, un des proches qui, selon encore une fois la RFI, a géré des dossiers sensibles de poursuite post-élection de 2019 et de 2021. Deux autres ministres, celui de l'énergie et celui des transports, ont été remerciés. Voilà, à 18h17 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Isanganiro.